et prends pour cible le fond de tes yeux. J'y vois souvent les foins et la maîtresse de ton âme. J'irai demander de l'aide, la païa notice. Je n'attiserai pas plus ma flamme d'eau.